Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue au Lobster 57.0. Je débute l'enregistrement alors qu'une personne vient de cogner à ma porte pour me donner un bon dessert. En fait, c'est Marie, la maman de mes garçons, qui avait fait des millefeuilles. Elle est venue m'emporter car elle sait que j'aime ça. Donc, je suis heureux dès que j'ai soupé, je vais pouvoir manger ça. Maintenant, petite nouvelle de votre Lobster, notre classement est toujours de mieux en mieux sur PodCloud. Je regarde pas souvent, mais la dernière fois que j'avais regardé, j'avais vu le Lobster apparaître dans le classement vers les positions 200. Mais tantôt, je ne le trouvais pas. Et c'était parce qu'on était classé mieux que je pensais. On était rendu en 61e position. Mais bon, des classements, ça vaut ce que ça vaut, on s'en fout un peu. Mais la seule chose qui compte, c'est si vous avez du plaisir à m'écouter. Donc, merci à vous qui prenez un peu de votre temps pour écouter le Lobster. Cette semaine, comme d'habitude, on va se faire jouer de la bonne musique. Et en plus, j'ai un bon article sur les jeux vidéo que je veux absolument partager avec vous. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous mettre à l'aise pour démarrer votre écoute, à l'aise dans un grand fauteuil, devant la fenêtre de votre maison, dans vos gros bas de laine en train de regarder les champs de maïs de votre voisin fermier, qui sont ensevelis sous la neige et qu'il ne pourra pas ramasser, et qui seront probablement la prémisse d'une grave pénurie alimentaire. Donc, j'espère pour vous que vous avez des bonnes réserves de nourriture dans vos armoires, car c'est le début de la fin. Ça commence par le maïs à vache qui reste dans les champs, et bientôt, ça va être autre chose. Nos ananas, nos oranges du Québec, qu'on ne pourra plus récolter. Heureusement, votre Lobster, sensible à toutes ces questions environnementales et pour vous garder heureux et dans les meilleures dispositions pour écouter les prochains épisodes, a décidé de faire tirer une poche de 2 kg de gruau à la fin de l'épisode. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin pour ne pas être pris à sucer de la neige sale tout l'hiver pour vous sustenter. Voilà pour le gruau et le mot sustancer que j'ai toujours voulu plugger dans un épisode. Sinon, cette semaine, pour me distraire, j'ai voulu essayer de jouer à un jeu de Xbox One que j'avais acheté. En fait, l'histoire remonte à quelques mois. Parfois, à la boutique Renaissance où j'achète mes BD pas chers, ils ont aussi des jeux de console à 5$ ou moins. Et j'avais ramassé le jeu Forza quelque chose, un jeu de course de voiture. Pas que je suis fan de ce genre de jeu, mais au prix qu'ils le vendaient, ils le vendaient 4$ et c'était la journée moitié prix pour les abonnés, donc 2$. Je me suis dit que ça pourrait juste être le fun à essayer. Donc j'achète le jeu et quand j'arrive à la maison, je mets ça dans ma Xbox et paf! Ma Xbox a besoin d'un update. Je joue tellement pas souvent que chaque fois que je l'ouvre, c'est rendu le temps d'un update interminable. Donc comme je suis le moindrement patient là-dessus, je la laisse rouler et me dis « je jouerai un autre jour ». Un autre jour, je réouvre donc ma Xbox et je démarre le jeu. Et paf! Le jeu a besoin d'un immense update. Encore plus long que celui de la console. Donc je me dis de la merde, c'est pas encore cet autre jour que je vais jouer. Et c'est seulement cette semaine, quelques mois après avoir acheté ce jeu, que j'ai enfin fini par l'essayer. Évidemment, quand je me suis souvenu que j'avais ce jeu, j'ai ouvert la Xbox et je suis tombé sur un autre update à faire. Mais cette fois, j'ai persisté et j'ai fini par démarrer le jeu. Tout ça pour me rendre compte que le jeu est franchement plat. J'ai fait deux courses, celle du tutoriel et la première course, avant de retirer le jeu de ma console et de le remettre dans sa boîte avec la mention « ne pas ouvrir ». Donc, Forza Motorsport ou je sais pas trop quoi le nom exact du jeu n'a pas suscité l'intérêt escompté chez moi. C'est sûr que je suis pas fan de ce genre de jeu, j'ai une console pour pouvoir jouer à Skyrim ou Fallout, donc c'était juste pas une bonne idée de perdre 2$ pour un jeu de voiture. Mais bon, je le glisserai dans le sac de gruau que je ferai tirer à la fin du Lobster pour qu'il profite à quelqu'un d'autre, ou si ça intéresse quelqu'un, juste m'écrire sur le site du Lobster et je vous l'envoie par la poste. Voilà, Tout ce prémisse d'histoire pour dire que je trouve que c'est rendu exagéré tous ces mises à jour qu'on a à faire sur nos consoles. Je comprends un correctif pour corriger des bugs, mais il semble que c'est plus ben ben optimal qu'on est rendu qu'on doit pousser 50 gigs de patch pour jouer un jeu d'une centaine de gigs. On est loin de mes patchs à Ultima Online où son interface des années 90 n'a besoin que de patchs de quelques megs seulement. Et je pense toujours à ceux qui reçoivent une console en cadeau à Noël. Ils reviennent du réveillon, branchent la console, ouvrent la console, insèrent le jeu et paf, update interminable. Incapable de jouer avant le jour de l'an tellement c'est long. Bon, je chiale un peu, mais pour le plaisir. Car c'est pas si pire comme problème. Il y a des choses pires que ça dans la vie, je crois. Donc, fini de chialer dans ce Lobster et fin de ce long prologue. On s'écoute un peu de musique pour se nourrir l'âme tout en tentant d'économiser nos maigres réserves de gruau. Aujourd'hui, à l'épicerie du web en folie, eh bien, on parle de gruau. En effet, on a souvent l'impression que le gruau est un aliment qui est ennuyant. Or, c'est un produit qui se décline en diverses variétés, ce qui fait du gruau un aliment excitant. On se revoit bientôt pour un autre épisode de l'épicerie du web en folie. Aujourd'hui, je suis tombé sur un article intéressant. C'est pas récent, je pense que ça date de 2018, mais je pense que ça va vous intéresser. C'est un article qui jase des 10 jeux les plus vendus de tous les temps. Un article de Pierre-Luc Ouellette que je ne connais pas, mais qui a pris le temps de nous répertorier tout ça. Et pour en discuter, j'accueille cette semaine un invité dans ma cuisine où j'enregistre le Lobster. Je le laisse se présenter, même s'il n'a plus besoin de présentation et que vous le connaissez. Merci Chewbacca d'être avec nous. Est-ce que tu es un gros joueur de jeu? Un peu comme moi. Donc, on se lance car les jeux vidéo de Chewie, c'est une affaire de gros sous. Savais-tu qu'en 2018, les revenus de l'industrie du jeu vidéo ont atteint près de 44 milliards US, soit davantage que l'industrie du cinéma? Effectivement, fâche-toi pas, avec des chiffres comme ça, c'est sûr que c'est plus un jeu d'enfant. Mais de cette énorme machine commerciale, quels sont les titres d'après toi qui se sont distingués? Les jeux de Star Wars? Ah, peut-être! J'ai pas lu l'article à l'avance, donc on va le découvrir ensemble. Donc, on va lire ça en défilant le top 10. Donc, en 10e position, avec une vente de 33 090 000 copies vendues, le jeu Wii Sport Resort. Tu détestes la Wii, puis t'as pas de Wii. Bon. Donc, la Wii est à la fois la console la plus aimée et la plus détestée de Nintendo. Si la Wii n'a pas su s'attirer les faveurs des joueurs plus expérimentés avec ses capacités graphiques plus limitées, la petite console blanche a toutefois connu un succès immense auprès des joueurs plus occasionnels. Et Wii Sport Resort représente bien cette tendance. Ce jeu est une collection de 15 mini-jeux allant du ping-pong au basketball en passant par le frisbee et le grand retour des quilles. Si la simplicité des mini-jeux peut expliquer le succès du titre, il faut aussi savoir que le jeu venait gratuitement avec le nouvel accessoire du Wii Motion Plus, qui améliorait les capacités de la manette. Donc, un jeu que tu donnes gratuit. C'est sûr que tu en écoules pas mal de copies. Donc, d'après moi, ça compte pas. Mauvais numéro 10. Ben là, t'as même pas de Wii, donc chiale pas. Donc, je passe au numéro 9, c'est Mario Kart Wii, avec 37 140 000 copies vendues. Je sais que t'as pas de Wii, c'est pas de ma faute si je nomme juste des jeux de Wii, c'est un décompte. Il va sûrement y avoir des jeux sur d'autres consoles. Donc, en 9e position, on retrouve donc Mario Kart Wii, le fameux jeu de course mettant en vedette la mascotte de Nintendo. Encore une fois, ce jeu venait avec un accessoire, cette fois-ci un petit volant en plastique dans lequel on pouvait insérer sa manette de Wii pour simuler la vraie conduite. J'ai moi-même ce jeu au sous-sol avec notre vieille Wii. Oui, j'ai une Wii. En fait, j'ai toutes les consoles chez Wii, sauf les PlayStation. En fait, c'est faux, j'avais un PlayStation 1, je l'ai prêté à mon frère, et lui l'a donné à un de ses amis. Merci frérot. Depuis ce temps, je lui prête plus mes consoles, mais je lui en ai acheté une. Je pense que je lui ai acheté une Xbox 360 pour qu'il puisse jouer à Skyrim lui aussi. Bref, passons avant que Chewie chiale. Je te t'inquiète. En 8e position, c'est le jeu Super Mario Bros. 43 170 000 copies vendues. Bon, c'est le premier succès de Nintendo sur le bon vieux NES gris, le Mario auquel tout le monde a joué, votre mère y compris, ainsi que mon ami Martin. Car tu sais, Chewie, mon ami Martin, quand il était plus jeune, il y avait un gros cadre dans la chambre d'ordi de ses parents, et dans ce cadre, un bout d'article du journal Le Quotidien qui disait que Martin avait gagné le concours de Mario Bros à Chicoutimi. Je me souviens pas de tous les détails, j'y vais de mémoire, mais Martin avait fait le plus de points à ce jeu lors d'un concours et remporté le concours. Bref, une 8e place bien méritée pour ce jeu, parce que Super Mario est bel et bien, à mon avis, l'un des jeux les plus importants de tous les temps. Vous aviez cette console à bord du Faucon Millennium? T'étais bon? C'est sûr, avec tes grosses mains, je te l'accorde, la manette n'était pas la plus grosse qui soit. Ok, en 7e position, la Wii Fit et Wii Fit Plus, 43 800 000 copies vendues. Je sais que t'as pas d'eau et tu me l'as déjà dit, mais c'est pas de ma faute, c'est ça le décompte. La Wii a été très populaire, j'imagine, c'est pour ça que ces jeux se sont bien vendus. T'avais juste à t'en acheter une. De jouer à Wii Fit, ça t'aurait juste fait du bien. Maintenant, en 6e position, enfin, sur une autre console qu'à la Wii, le jeu Pokémon Red, Green, Blue, Yellow, 47 520 000 copies vendues. Si vous êtes né vers la fin des années 80 ou au début des années 90, bon, tu n'avais pas de Wii et pas de Game Boy. Comment ça, Yoda avait un Game Boy? Il trichait avec la force? Non, je veux pas savoir ce que faisait Yoda avec la force, j'ai vu les films. Donc, Pokémon, qui n'a pas été happé par la folie Pokémon de plein fouet? Dessins animés, peluches, cartes, jeux, films, tout était converti à la sauce Pokémon. Moi, j'ai écouté la série, les films aussi. On a essayé de jouer aux jeux de cartes, c'était moyen comparé à Magic. J'ai plein de toutous Pokémon, donc oui, j'ai été frappé par Pokémon. T'aimes Pikachu? Parce qu'il est jaune? Bon, moi je pense que mon préféré c'est Bulbasaur. C'est un nom cool à dire, Bulbasaur. Savais-tu, Chewie, que Pokémon est devenu la franchise multimédia la plus profitable de tous les temps, engrangeant un immense 90 milliards US depuis 1996? Ouf, c'est pas mal plus que votre Star Wars, ça. Top 5, on tombe dans le sérieux. Avec le jeu PlayerUnknown's Battleground, 50 millions de copies vendues. C'est le jeu le plus récent de cette liste. Il est sorti officiellement en décembre 2017. Donc, PlayerUnknown's Battleground est mieux connu sous le nom de PUBG. P-U-B-G. Puis, il a quand même réussi à vendre un impressionnant 50 millions de copies, ce qui le place au 5e rang de ce classement. Pour ceux qui ne connaissent pas le titre comme moi, l'article dit que malgré les 50 millions de copies vendues, il s'agit du titre qui a contribué à populariser le concept des batailles royales sur lequel Fortnite règne aujourd'hui en roi et maître. Fortnite est toutefois un jeu gratuit, ce qui fait qu'il ne peut se retrouver dans ce classement. PlayerUnknown's Battleground a également été aidé par le fait que Microsoft s'est mis à l'inclure avec un bon nombre de ses Xbox One, ce qui ne peut pas lui nuire. En 4e position, tu vas être content, Chewie? Wii Sport! 82 860 000 copies vendues. Si je te prête ma Wii? Non. Mais je peux la prêter à mon frère, tu lui demanderas de te la donner. Bon, il semble que la Wii était extrêmement populaire et cette popularité s'explique supposément en grande partie par ce titre Wii Sport. Là, vous vous dites « Ouais, mais il donnait Wii Sport avec la console, ça compte pas. » Et je me dis exactement la même chose, mais l'article dit « C'est peut-être vrai en Amérique du Nord et en Europe où le jeu était en effet inclus, mais au Japon et en Corée du Sud, il était vendu à part et ça a quand même été un énorme succès. Wii Sport a vendu près de 2 millions de copies au Japon uniquement dans la première année. » Bon, 2 millions au Japon, on est loin des 82 millions de copies. S'il le donnait, ça devrait juste pas être dans le décor. Passons. En troisième position, enfin, Grand Theft Auto 5, 100 millions de copies vendues, mieux connu sous l'acronyme GTA 5. Ce jeu, qui vous place dans la peau de trois criminels qui volent des voitures, doit avoir touché une corde sensible chez les joueurs parce qu'il a connu un succès monstrueux. Évidemment, les graphismes sont magnifiques, le monde riche et détaillé et le gameplay est addictif. Ajoutez à ça un mode en ligne toujours très actif plus de 5 ans après la sortie et pour lequel les joueurs échangent de l'argent réel contre la monnaie virtuelle du jeu, et GTA V est devenu le plus profitable de tous les temps avec 6 milliards de revenus. C'est le genre de montant dont même les plus grands criminels ne peuvent que rêver. Non, je pense pas. Darth Vader devait pas jouer à GTA, il devait pas avoir le temps, il avait son étoile noire à faire construire dans ce temps-là. Bon, en deuxième place, c'est le jeu que j'aurais cru être en première position. Quand j'ai vu cet article, sans avoir rien lu, j'ai pensé à ce jeu. Vous, à quoi auriez-vous pensé en position 1 ou 2? Je viens aussi de voir la position 1 et je dois vous dire que j'aurais jamais pensé à ça. Mais bon, en deuxième, c'est logique selon moi. Chewie, en deuxième position, tu dis quoi? Donkey Kong Junior sur ton ColecoVision? Ouais, c'est pas un mauvais choix, mais c'est pas ça. Mais je suis tout de même content de connaître ton jeu préféré. Merci. Donkey Kong Junior est effectivement très divertissant. Donc, en deuxième position, Minecraft, 150 millions de copies vendues. Avant la folie de Fortnite, les jeunes préadolescents étaient accros à un autre jeu qui était Minecraft, disponible sur toutes les plateformes de votre iPhone à votre ordinateur en passant par votre Switch et votre PlayStation 4. Gageons que plusieurs joueurs ont acheté le jeu plus d'une fois. À ce titre, je dois dire que moi-même, je l'ai acheté 3 fois sur ordi pour pouvoir jouer avec mes 2 garçons et 2 fois sur Xbox. J'avais l'ancienne version et quand la nouvelle version est arrivée, je l'ai racheté. Toi, Choui, déjà joué à Minecraft? Non, je sais que t'as pas de Wii, mais Minecraft se joue sur d'autres consoles et sur le PC, comme je disais. Donc, Minecraft, tu es sur une île déserte peuplée de monstres et vous devez utiliser les ressources que vous trouvez pour construire tout ce que votre imagination vous permet. Ouais, c'est un peu comme des Lego Star Wars, si on extrapole un peu. Sachez aussi à titre informatif que Microsoft vont racheter les droits du jeu pour 2,5 milliards. Et finalement, en première position, tu dis quoi toi, Chewie? Super Mario Galaxy, c'est ton jeu préféré? Mais c'est un titre qui joue sur la Wii ça, et depuis le début tu me dis que t'en as pas. Ah, je comprends. Ouais, moi aussi. Ça me rappelle justement que quand j'étais plus jeune, j'allais souvent à l'arcade. Enfin, en secondaire 2 et 3, je pense, je passais souvent mes dîners à l'arcade. L'école La Fontaine à Chicoutimi était pas loin de la rue Racine, où on avait 2 arcades, une à côté de la bibliothèque et l'autre un peu plus loin. Donc, sandwich à la main, je courais jusqu'à l'arcade, j'échangeais mon 1$ contre 5 jetons. Oui, c'était 5 jetons par dollar, et une fois de temps en temps, il y avait une promotion à 8 jetons pour 1$. Oui, c'était le bon vieux temps. Avec 1$, je pouvais jouer tout mon heure de dîner. Je me souviens qu'on jouait souvent à Gauntlet, le jeu qui se jouait à 4. Ça te dit de quoi? Écoute! Tu choisissais, tu pouvais être le guerrier, la valkyrie, le magicien ou l'elfe. Moi j'aimais bien la valkyrie, car elle tirait de loin. Ou c'était l'elfe, je suis plus sûr. Mais il fallait détruire les Todos qui faisaient que les mondes spawnaient. C'était le fun. Mon autre jeu préféré était un genre de jeu Donjon Dragon et on avait tellement joué qu'avec 25 cents, on pouvait jouer jusqu'à 30 minutes. Il y avait des armes de cachet dans le jeu et on savait où elles étaient, donc fallait arriver à l'arcade assez vite, car si on pouvait pas prendre le jeu, c'était game over pour le dîner, les gens jouaient trop longtemps. Et finalement, on jouait aussi à Double Dragon et au bon vieux Street Fighter. Je me souviens que sur notre machine, quelqu'un avait écrit les codes pour avoir des bonus. Fallait bouger les manettes et peser sur les boutons dans un ordre précis et ça donnait des bonus en démarrant. C'était hâte d'avoir ça sur la machine, à une époque où Internet n'existait pas vraiment. Je sais pas comment quelqu'un avait réussi à trouver ça, sûrement dans une des revues qu'on pouvait acheter dans ce temps-là et qui nous parlait de ça. Bon, finissons notre décompte. On est rendu au numéro 1 avec un titre que j'aurais pas prévu de voir ici. Tetris, 170 millions de copies vendues. Au sommet de ce palmarès des jeux les plus vendus de tous les temps, on retrouve comme il se doit l'un des plus grands classiques de tous les temps, Tetris. Lancé en 84 et créé par un ingénieur russe, Tetris est un jeu tout simple où des pièces composées de 4 blocs tombent du ciel. Bon, je sais pas pourquoi je vous explique tout ça, parce que tout le monde connaît Tetris. Ce qui aide aux ventes aussi, c'est que le titre original de Tetris est disponible sur 30 plateformes différentes, de l'Atari ST au ZX Spectrum, sans oublier iOS. Et 35 ans plus tard, on joue encore à ce grand classique. Voilà, merci pour ta visite, Chewie. Bon retour chez toi, et passe nous voir quand tu veux. De notre côté, un petit peu de musique, et je vous reviens. table wrapped in burlap. Barely able, don't get angry, don't discourage. Take a shot of liquid courage. 'Cause my monsters are real, and they're trained how to kill. And there's no coming back, and they just laugh at how I feel. And these monsters can fight, and they'll never say die. And there's no going back. If I get trapped, I'll never heal. Yeah, my monsters are real. Good for you, you hurt everybody. Good for you, you hurt everyone. Good for you, you love nobody. Good for you, you owe no one. Leave your weapon on the table. D'écouter en premier le groupe Ghoul Town avec la chanson Under the Phantom Moon, chanson qui a été suivie de la chanson Monster du groupe Shinedown, qui à mon avis avait un petit problème de saturation dans les aigus. J'ai été obligé de descendre un peu la force de la chanson pour pas vous défoncer vos écouteurs, mais bon, je verrai à l'écoute sur mon iPhone qu'est-ce que ça donne. Maintenant, un petit sujet d'actualité. D'où vient l'oxygène que nous respirons? Probablement que 99% de vous auront répondu en cœur les arbres. Mais bon, il semble que c'est pas aussi simple que ça. Dans les nouvelles, on nous dit « Alerte, l'Amazonie est en feu ». Cet été, les incendies dans la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale humide du monde, ont attiré l'attention du monde entier. Des images satellites ont permis de repérer plus de 10 000 nouveaux incendies de forêt, principalement dans le bassin amazonien, en une seule semaine. Les responsables sont essentiellement des agriculteurs qui défrichent des terres en brûlant la forêt afin d'y implanter des cultures. Cette situation est alarmante pour de nombreuses raisons. Les forêts tropicales constituent le milieu de vie des peuples autochtones qui sont directement menacés. Elles abritent aussi, ces forêts, une diversité exceptionnelle avec de nombreuses espèces de plantes, d'animaux ou de micro-organismes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Bon, pas besoin de vous convaincre ou de me convaincre que c'est une forêt exceptionnelle. Mais est-ce que c'est vraiment le poumon vert de la Terre comme on entend souvent à la télé? Malheureusement, l'expression « poumon vert » ne reflète qu'une vision romantique de la nature très éloignée de la réalité. L'Amazonie ne produit pas notre oxygène et n'est pas le poumon vert de la planète. l'affirmation, souvent répétée, que la forêt amazonienne produirait 20% de l'oxygène de notre planète est basée sur un malentendu. On met en avant la production brute d'oxygène par la végétation au détriment du bilan net des processus biologiques. Bon, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'article. J'essaie de comprendre comme vous. Donc, presque tout l'oxygène respirable de la Terre, près de 21% de l'atmosphère terrestre, provient des océans. Il s'est accumulé dans l'atmosphère grâce à des micro-organismes marins, par exemple des cyanobactéries et des micro-algues planctoniques, qui sont capables de réaliser la photosynthèse. Ce processus biologique, lui, est apparu dans les océans au cours de l'évolution du vivant il y a environ 3,7 milliards d'années. Les organismes photosynthétiques, eux, utilisent l'énergie du soleil pour oxyder des molécules d'eau et en libérer l'oxygène. Le transfert d'électrons, bon, on est rendu un petit peu trop loin. Si en plus c'est écrit voir figure 2, bon, même avec la figure 2, on risque de pas tout comprendre. Et même si je vous lis la suite et vous parle de la figure 3 et 4, on risque de s'enfoncer encore un peu plus. Mais si on va à la conclusion immédiatement, ça nous apprend que pendant plus de 2 milliards d'années, la photosynthèse s'est uniquement déroulée au sein des océans. Les premiers organismes photosynthétiques terrestres ne sont apparus qu'il y a près de 470 millions d'années. Quand la forêt amazonienne, elle s'est formée il y a 55 millions d'années. Donc, la photosynthèse est sans contestation possible responsable de la présence dans l'air de l'oxygène que nous respirons, mais seule une fraction infime de cette production est susceptible d'approvisionner le réservoir atmosphérique. Yeah! Yeah, baby! Yeah! Si toute la matière organique présente sur Terre était brûlée en une seule fois, il y a moins de 1% de l'oxygène de la planète qui serait consommé. Il y a donc assez d'oxygène dans l'atmosphère pour des millions d'années. S'il y a de trop nombreuses raisons d'être inquiet des conséquences pour la planète à propos des incendies de forêt en Amazonie, l'épuisement de notre approvisionnement en oxygène n'en fait pas partie. Mais, car il y a toujours un gros « mais », la recrudescence des incendies et de la déforestation en Amazonie, mais aussi en Afrique, Sibérie, en Asie du Sud-Ouest, ça menace des régions parmi les plus riches en biodiversité de la planète et des puits de carbone absolument essentiels pour notre climat. Donc, pour cette raison, il est largement suffisant de s'inquiéter de la situation actuelle. Donc voilà, une conclusion qui me fait plaisir, sans trop être sûr d'avoir tout compris, je comprends qu'on doit continuer à s'inquiéter. Et juste pour ça, avant que je m'enferme dans mon sous-sol avec mes vivres, de l'eau et du gruyot, et que je commence à vivre en survivaliste, je pense qu'on doit passer ma chanson chouchou de la semaine. Une chanteuse qui est très jolie, une chanteuse française, qui s'appelle Clara Luciani, avec sa chanson La Grenade, qui s'est classée en 5e place sur le classement de l'Ultra Top 50 Singles et qui, au Québec, a fait la première position dans l'émission Pop Express avec Rock Denis. On l'écoute, montez le son. T'as jamais vu une femme J'ai découvert cette chanson cette semaine et je trouvais que ça sonnait bien. Donc c'était Clara Luciani avec la chanson La Grenade. D'après mes lectures, elle chantait sa chanson à la guitare seulement avant. Et là, c'est le gros succès avec cette version remixée un peu plus pop. Sinon, je ne sais pas si vous avez lu dans les nouvelles, notre gouvernement du Québec va investir 42 millions pour rénover nos CL-215 ou CL-415. Je ne sais pas si vous connaissez bien ces avions. Moi, pas tant, mais comme j'ai déjà travaillé comme sapeur-pompier volontaire, je m'y étais intéressé un petit peu. Donc, je vous fais un petit historique à dessous de ces avions avant mon histoire de feu. Donc, le CL-215 ou CL-415, son successeur, est l'avion jaune qu'on utilise pour éteindre les feux. Les Canadair étaient naguère produits par Bombardier et exportés à travers le monde. Mais l'entreprise s'est départie de sa filière d'avions citernes en 2016. C'est une société de la Colombie-Britannique, Viking Air, qui l'a racheté. C'est donc cette entreprise qui se chargera de la modernisation des 8 avions du gouvernement québécois. Donc, le gouvernement préfère investir 42 millions pour prolonger de 25 ans la vie de ses avions plutôt que d'en acheter de nouveaux qui coûtent 55 millions pièces. Ce qui me semble à première vue une bonne idée. Quand je lisais le wiki sur ces avions, j'ai appris deux ou trois choses que je partage avec vous, mais rapidement. En premier, ces avions ont deux réservoirs de 3000 litres, donc ils nous tirent 6000 litres d'eau sur la tête quand ils déchargent. Donc c'est avec ça qu'ils vont éteindre les feux. C'est cette eau qu'ils lâchent dessus et ils se remplissent en vol, en passant sur un lac à une vitesse qui doit se situer entre 140 et 160 km/h et tout ça se fait entre 9 et 12 secondes et ils ont besoin d'avoir 450 mètres d'eau libre pour le faire. Donc, c'est quand même assez performant. Voilà, c'est tout pour le volet didactique. Il y a quelques années, durant l'été, je ne me souviens pas j'avais quel âge. Je devais avoir autour de 15 ans et j'étais chez mes grands-parents pour y passer la semaine. Car oui, je passais mes vacances d'été chez l'un ou l'autre de mes grands-parents. Chez l'un, je jouais dans les bois et chez l'autre, je passais mon temps sur le lac en bateau. Donc là, je parle que j'étais chez mes grands-parents qui avaient la maison en face de notre chalet actuel. Et pendant que j'étais là, un feu s'est déclaré sur les montagnes à proximité. On voyait la fumée de la maison. Un feu allumé par les orages. C'était probablement un éclair qui avait mis le feu à la forêt qui était rendue trop sèche par le beau temps d'été. Donc, ça n'a pas été long qu'on a vu la Société des feux, la SAPFEU ou Gestion du territoire qui est arrivée. Je ne me souviens pas du nom exact, mais comme la maison de mes grands-parents était la dernière dans le bout du rang, donc c'était devenu le point de ralliement. Donc, c'est là qu'on a appris qu'on pouvait s'engager pour aller travailler au feu. Moi, encore un peu trop jeune pour comprendre les risques, je me suis engagé dans l'aventure. Donc, ça n'a pas été plus compliqué que donner mon nom et mon numéro d'assurance sociale et j'étais engagé à 15 ou 18 $ de l'heure, ce qui était un très bon salaire. Mon oncle aussi s'était engagé, donc pour moi, ça semblait une belle aventure. Et j'ai pas été déçu. C'est ce que je veux vous raconter. C'est l'article d'investissement dans les avions qui m'a remis ça en tête. Donc, première étape de mon aventure, c'est l'équipement. On m'amène tout d'abord en camion proche du feu et on me donne un casque jaune pour ma tête. Préalablement, on m'a demandé de mettre des bottes à cap d'acier. C'était l'autre condition pour être engagé. Donc, j'ai ma pelle et là, je dois attendre un hélicoptère qui va venir me chercher. C'est là que ça commence à être le fun. Comme le feu est sur le dessus des montagnes, un hélico va venir nous chercher par groupe de 4 à la fois et va venir nous porter au feu. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ou comment palpitant comme début d'aventure. C'était magique. J'ai vu un jeune pilote arriver en hélico. Il s'est posé dans la clairière où on attendait. Et il nous a fait signe de venir embarquer. On m'avait dit de pencher la tête en m'approchant de l'hélico car les pales en tournant ne restent pas droites. Elles penchent un peu vers le bas. Donc au risque de me faire trancher la tête, je cours vers l'hélico en faisant de mon mieux pour garder ma tête. Et comme c'est mon baptême de l'air en hélico, je m'assois en avant avec le pilote qui me donne des écouteurs à me mettre sur la tête pour pouvoir me parler. Tu peux pas demander mieux. Vraiment, je vous dis, j'y pense en ce moment et c'était tout qu'un baptême de l'hélicoptère. Car un feu, quand ça brûle, ça fait des méchants courants d'air chaud. C'est pas la chose qui te vient nécessairement en tête quand tu vois un feu, mais quand tu es dans un hélico qui doit le survoler, tu te fais barouetter de haut en bas dans des courants d'air froid et chaud. Et l'hélico qu'on avait, c'était juste une immense vide devant nous. C'est pas comme dans un avion. Assis en avant d'un hélico, c'est comme voler dans le vide. Tu vois tout. Donc, j'ai vraiment trippé. Le pilote m'a raconté qu'il avait pogné du brouillard en partant du Saguenay pour se rendre ici chez mes grands-parents. Il avait dû suivre la route à basse altitude pour venir nous chercher. Donc, je voyais que c'était un bon cow-boy d'hélico. C'était rassurant. Et comme il arrivait sur le feu, que j'étais dans la deuxième batch à embarquer, le coin était nouveau pour lui aussi. Donc, on n'a pas été direct à notre destination. On a fait un beau tour du feu pour repérer le coin. Mais de voir un feu désert, c'est impressionnant. Les épinettes qui s'enflamment partout, c'était malade. En plus, j'étais impressionné de le voir conduire, car de mémoire, un hélico, tu conduis avec les mains et avec les pieds. Donc, je pense que les pieds, c'est une des hélices en arrière ou en tout cas. Donc, le pilote nous a passé du feu, au-dessus du feu, et est venu nous déposer sur la montagne en feu. Il nous a débarqué, mon groupe, dans une tourbière. C'était le seul spot libre viable pour l'hélico. Donc, je débarque les deux pieds dans l'eau avec ma pelle. Le responsable, lui, il nous avait splitté en deux équipes et malheureusement, je n'étais pas avec mon oncle. Et pour mon groupe, ce qu'ils nous ont fait faire au départ, c'est de mettre une pompe dans la tourbière pour amener de l'eau proche du feu. Et ensuite, quand ça a été fait, on était envoyé au feu avec nos pelles. On prenait de la terre et on le jetait où ça avait déjà brûlé pour pas que le feu reprenne. Car je vous cache pas qu'on pouvait pas faire grand-chose. On passait où ça avait brûlé et on mettait du sable sur les cendres fumantes pour pas que ça reprenne en cas de vent. Et dans le ciel, on voyait les CL215 qui venaient jeter leur eau sur le feu. Petite anecdote ici, dans l'anecdote, mes parents m'avaient amené chez mes grands-parents car eux s'en allaient à Saint-Félix-de-Tis au chalet de mes autres grands-parents. C'est environ à une trentaine de minutes. C'est un chalet où tu peux juste te rendre en bateau, un ancien camp privé que mon grand-père a hérité d'Américains. Et il se trouve que ce lac est immense, plusieurs kilomètres, et c'était l'un des seuls lacs ayant la bonne grandeur à proximité pour remplir les avions. Bref, au moment du feu, mes parents étaient en chaloupe pour se rendre au chalet. Et là, eux ont vu l'avion jaune arriver pour se remplir. Mais quand tu es juste une petite chaloupe verte, tu n'es pas trop visible. Et ce que mes parents m'ont dit, c'est que le pilote du CL215 les a vus à la dernière minute. Il venait pour se remplir et leur rentrer dedans, mais il les a vus à la dernière minute et a remis les gaz pour aller se charger 100 mètres plus loin. Donc, il s'en est fallu de très peu pour que je voie mes parents être largués sur le feu. Fin de l'anecdote. Bon, je raconte tout cela de mémoire. Je vais vérifier avec mes parents pour être sûr que c'est bien la vérité. Bon, je viens de vérifier avec ma mère et c'est à peu près ça, mais ça mérite un update. Donc, elle m'a dit que quand ils sont rentrés au chalet en bateau, ils étaient dans la première baie du lac Brébeuf. Et quand le canso est arrivé, oui, canso, c'est comme ça qu'on appelle les CL215. Je m'en souvenais plus, même si je sais très bien que c'est ça le nom que nous, on leur donne. Bref, le canso est arrivé, a vu mes parents en bateau dans la première baie du lac et a simplement pris de la hauteur pour aller dans la seconde baie pour se remplir. Car c'est un lac immense, donc ma mémoire était pas si pire, j'avais juste embelli un petit peu l'histoire. Sauf que mes parents, donc, ils n'avaient jamais passé proche de se faire aspirer dans le canso. Et ma mère me dit en terminant qu'on passait le week-end à saluer les pilotes qui venaient se remplir dans le lac. Et à la fin, le dimanche, quand ils ont fait leur dernier remplissage, l'un des cassos, il y en avait deux, les a salués en brassant les ailes de gauche à droite pour leur dire au revoir. Bon, retour à mon feu. Comme je vous disais, j'avais juste aux alentours de 15 ans lors de ce feu, donc pas encore assez mature, je crois, pour travailler sur un feu potentiellement dangereux. Car oui, le danger rôdait. J'avais été débarqué au centre d'un monstre. Vous avez des images en tête de débarquement de soldats américains au Vietnam? Riders on the storm. Riders on the storm. Bon, c'est un petit peu ça que j'étais en train de vivre. J'avais été débarqué dans l'eau face à un monstre qui veut me brûler. Donc, une des choses que j'ai réussi à faire après environ une trentaine de minutes, c'est de me perdre en forêt avec l'autre qui me suivait. Mais bon, un peu innocent, j'ai jamais remarqué que j'étais perdu jusqu'à ce qu'un responsable nous retrouve et nous demande « Savez-vous où vous êtes et comment retourner à la clairière? » On a répondu non tous les deux. Donc, à partir de là, le responsable nous a pu lâcher. Il nous a dit de les suivre en tout temps, ce qui m'a permis d'aller tenir une lance de feu qui crachait de l'eau de la tourbière et surtout de ne pas finir perdu en forêt et mangé par les loups durant la nuit. Bref, j'ai vraiment eu du fun. À la fin de la journée, après avoir fait un deuxième tour en hélico pour le retour, et toujours à l'avant avec les écouteurs sur les oreilles, j'ai appris à mon retour chez mes grands-parents que mon oncle avait failli mourir. Eux, avec leur équipe, s'étaient avancés pour arroser le feu à un autre endroit avec leur groupe, et le feu s'était refermé derrière eux. Ils s'étaient fait encercler et avaient dû courir au travers des flammes pour s'en sortir. On m'a dit que mon oncle était en pleurs quand il racontait son histoire, donc il a dû avoir assez peur. Mais encore là, je vous raconte ça de mémoire, donc 50% de bon. C'est donc là, suite à cette histoire de mon oncle, que j'ai réalisé que c'était pas un jeu. Et de mémoire, je pense que ça a été la fin. Ma grand-mère m'a pas laissé y retourner le lendemain. Mais ce fut une belle aventure. Faire de l'hélico, c'est vraiment une aventure. Et un mois plus tard, suite à ce feu, j'ai reçu mon chèque de paye par la poste. J'étais bien content. Autre petite anecdote comique autour du feu, lors de ma formation que j'ai eue de 5 minutes pour devenir sapeur-pompier volontaire, on m'avait expliqué que si par erreur le canseau nous vidait ses réservoirs d'eau dessus, qu'il fallait rester debout et faire comme si on plongeait dans l'eau, donc les mains jointes au-dessus de la tête. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire, mais c'est le genre de consigne bizarre que tu oublies pas et qui te laisse à penser que tu es embarqué dans une sacrée aventure. Un dernier petite anecdote autour de mon feu, car oui, ce feu m'appartient. Il appartient à mes souvenirs. Et malheureusement, j'ai une petite anecdote de malhonnêteté liée à ce feu. Je me demandais si j'allais vous le raconter, mais bon, pourquoi pas, j'ai pas l'habitude d'avoir de filtre. Voici donc le seul mauvais souvenir que je garde de ce feu. Le dernier soir du feu, le dimanche, car oui, comme je disais, les canceaux ont réussi à maîtriser le feu. Donc, le dernier soir, quand ce fut le départ pour le groupe de responsables, deux des responsables du feu, qui s'étaient liés d'amitié avec mes grands-parents, avaient jasé avec mon grand-père et lui avaient expliqué qu'avec une maison et une grange comme ça, en bout de rang, loin des bancs de fontaine et tout, que ça serait bien qu'il ait un kit pour éteindre les feux si jamais un feu se déclarait à sa grange. Ça serait bien de pouvoir l'éteindre lui-même et, bizarrement, eux, les responsables pouvaient lui vendre le kit parfait. Une pompe pour mettre dans la rivière et tuyaux et lance à feu qui vont avec. Donc, le dernier soir, juste eux deux étaient revenus chez mes grands-parents et lui ont vendu, contre paiement cash évidemment, lance et pompe qui servaient au feu. C'était donc pour eux un petit sideline, ils revendaient l'équipement pour éteindre les feux et mettaient l'argent dans leur poche. Et c'est facile de deviner qu'après, ils avaient beau jeu de déclarer que l'équipement avait brûlé au feu. C'est-tu pas assez malhonnête, ça? Voilà, je me souviens encore du visage d'un des gars, une face de trompe. Mais bon, ne laissons pas cette étincelle de malhonnêteté brûler mes beaux souvenirs d'avoir survécu à l'enfer du Vietnam. We'll be right back. encore un lobster qui est un peu long cette semaine et j'ai pas fini de faire jouer les musiques que j'avais mis de côté. Donc sur ça, je vous laisse apprécier la fin du lobster. On termine avec un peu de musique et de Kaamelott. Je vous souhaite une belle semaine et vous invite à me laisser vos commentaires sur la page Facebook du Lobster. Sur ce, bonne semaine! Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, flambe dans la nuit. Vive les couleurs du feu, vive ses couleurs. Vive les couleurs du feu, vive ses couleurs. Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Aujourd'hui que vous partez repousser les barbares. Ah oui, affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Oh, j'aime bien quand vous partez au combat. Vous êtes toujours joyeux. Non. Commencez pas. C'était où déjà ça? Là. Bonjour à vous. Restez assis. Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin. Ah, moi, pareil. Il va y avoir de la danse. J'aime autant vous le dire. Je connais deux, trois barbares qui feraient bien de s'échauffer. Mais alors, et vous? Ça va, la pêche. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez foutu de votre armure, vous? Bah, chez moi, pourquoi? Il y a un tournoi? Non, mais vous foutez de nous, non? Les envahisseurs barbares, ça vous dit rien? La réunion de bataille hier soir. Il me semblait pas vous avoir vu roupiller, pourtant. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est fini, cette histoire-là. Qu'est-ce qui est fini? Bah, ils s'en vont, les envahisseurs. Bon, t'as négocié comme un chef. Il y a même plus besoin de se remuer les doigts de pied. Je croyais que c'était pour ça que vous étiez content. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de solution diplomatique? J'ai réussi à éviter la catastrophe, sire, le sang ne coulera pas. On a eu chaud. Il n'y a plus qu'à recevoir leur chef. Recevoir leur chef, pour quoi faire? Et pour signer le traité. Le traité de quoi? Ben, comme quoi on leur cède les marais. Non, c'est moi qui suis abruti. Vous comprenez quelque chose, vous? Non. On n'est pas venu vous faire un rapport? Ah non. Pourtant, j'avais bien dit aux gars qu'ils viennent vous voir, hein, mais bon, il faut les comprendre. La joie d'avoir été épargné. Vous les auriez vus quand je leur ai annoncé la nouvelle. Le négociateur qu'ils criaient. Vive le négociateur! Vive le seigneur! Bon! Oui, oui, bon, mais qu'est-ce que les marais viennent foutre là-dedans? Attendez, vous allez voir. Eh bien voilà. En échange des marais, nous ne serons pas attaqués. Comment en échange? Vous leur avez pas refilé des terres, quand même. Des terres? Peut-on seulement appeler ça des terres? Ah oui, on appelle ça des terres, oui. Qu'est-ce qui vous a pris de vendre des terres à des ennemis, vous? Ah, mais je les ai pas vendues, puisque je les ai cédées. Mais c'était pour combien? Mais pour rien, contre nos vies. Ah oui, moi franchement, j'aime autant. Mais les marteaux, c'est pas vrai! On était partis pour les dérouiller. Qui vous a demandé d'éviter les combats? Personne! Alors il donne des terres, lui il négocie, il arrange les bidons. Faudrait savoir si vous êtes chevalier ou promoteur. Je suis vraiment confus. J'avais pas pensé que Kaamelott était encerclé par les marais. C'est vrai que dans l'urgence du truc. Ouais, c'est pas bien grave, hein. Au lieu de nous attaquer juste par le sud, ils nous attaqueront de tous les côtés en même temps, quoi. Hein? De toute façon, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais enfin, y a aucune raison qu'ils soient encore agressifs maintenant qu'ils ont obtenu les marais. Peut-être qu'ils vont juste y mettre des petits cabanons. Bah oui, pour leurs vacances aux barbares, ça leur fait un joli petit pied à terre. Sire, les barbares ont avancé leurs catapultes jusqu'au bord des marais. On est encerclés. Tiens donc. Vous êtes fiers de vous? Bah de toute façon, vous avez bien prévu d'aller les dérouiller. Ça change pas grand-chose au programme. On en profitera juste pour récupérer nos marais. Quel dommage quand même qu'on ait perdu ces jolis marais. Non mais on les a récupérés finalement. Mais on les avait perdus quand? Ce matin. Et quand est-ce qu'on les a récupérés? Cet après-midi. Ouf, ça va un peu trop vite pour moi. Il y a un paquet de trucs qui vont trop vite pour vous. Je l'avais annoncé en début de Lobster et j'ai pas oublié 2 kilos de griots à faire tirer. Donc le concours est simple, le premier qui me donne le nom d'une chanson qu'on a jouée dans ce Lobster et qui a, disons, le 3, le 2, le 7 et un dans son numéro de téléphone, gagne 2 kilos de griots qui seront livrés par Chewbacca. Un concours digne du Lobster.